Salut, moi c'est Bertrand, Bertrand Kiel. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme, pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision. Et je bénéficie de 20 euros de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle offerts, autant vous dire que ça détend d'autant plus. Oh, c'est fatigant de parler vite. Bref, merci Citroën, c'est cool. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détail de l'offre sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. René Fonck, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ce nom est presque entré dans l'oubli. Et pourtant, c'est celui du plus grand as français de la Grande Guerre. Franck Ferrand a décidé de le faire revivre cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Pour tous ceux qui se passionnent pour la guerre aérienne, pour les chevaliers du ciel, évidemment que le nom de Fonck reste mythique. Ses victoires sont incroyables. 75 avions abattus officiellement. Lui en revendiquait 52 supplémentaires, ce qui fait 127. Cette victoire, certes pas toute homologuée, mais vous voyez un peu l'importance de cet as. Pour tous les autres, pour ceux que cette histoire ne passionne pas particulièrement, eh bien disons-le, le nom de Fonck est inconnu et je suis heureux que nous puissions lutter contre l'oubli aujourd'hui en compagnie d'un jeune historien des As de 14-18, Damien Accoulon. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Lorena Martin nous conduira sur les traces de René Fonck. Eh oui, nous irons dans les Vosges, à Saucy-sur-Meurthe, à Saint-Dié et puis pour ma part, je reviendrai aux origines du drapeau à damier dans les courses automobiles, des avions, des voitures. On peut dire que le programme est assez sportif cet après-midi. Quand un pilote allemand, lors de la Grande Guerre, apercevait la cigogne peinte sur le Spad de Fonck, quand il voyait la grande étoile rouge tracée sur le plan extérieur de ses ailes, il savait qu'il était probablement trop tard. Fonck a été le grand abatteur de pilotes allemands. Il est tombé, je vous le disais, dans un relatif oubli. Quand vous pensez à Guynemer, évidemment, qui, lui, l'archange du ciel, que tout le monde connaît. On peut penser à Ningesser également. Nous en parlions à propos de ces traversées manquées de l'Atlantique. On va y revenir dans un instant, d'ailleurs, à propos de Fonck. Bref, tous ces gens-là, tous ces noms, ont été beaucoup plus exaltés dans la mythologie de la chasse. Fonck a vécu assez longtemps pour connaître les deux guerres mondiales, et c'est peut-être d'ailleurs l'un des problèmes que rencontre sa postérité, nous allons y venir. Il est mort d'un arrêt du cœur après avoir été littéralement oublié. Il a vu l'oubli de son vivant, ce qui n'a pas pu être le cas de ceux qui sont morts en plein ciel, comme Guynemer. Ses échecs dans l'entre-deux-guerres, son soutien, en tout cas sa fidélité au maréchal Pétain, son rôle dans l'entrevue de Montoire, notamment, tout ça a contribué à entacher son souvenir. Et c'est intéressant de revenir aujourd'hui sur l'ensemble du personnage. Qui était donc l'as des as ? Fonck était né en 1894 dans une modeste famille lorraine. Son père est Sagar, c'est un ouvrier qui débite du bois en planche. Lui-même a d'abord été tisserand, puis apprenti mécanicien, et en août 14, comme tous les autres, eh bien, il est mobilisé. Assez vite, il va passer, comme on dit, dans l'aviation. Vous savez que l'aviation commence à naître, nous reviendrons sur cet aspect tout à l'heure, en 1915. Et dès 1915, on voit Fonck commencer à piloter ces drôles de machines. C'est un rêve pour lui. Et d'ailleurs, il écrira, je le cite, « Mes instincts m'avaient toujours porté vers la carrière de l'air. J'avais même un jour, à l'insu de ma mère, subi des épreuves d'endurance. Et dans les journaux, je suivais passionnément la vie accidentée de Garros, de Védrine, de Beaumont, de Pégou, pour ne citer que ceux-là. » Ceux-là, ce sont les pionniers de l'aviation, bien entendu. On n'imagine pas aujourd'hui ce qu'a pu être cette période extraordinaire, cette période des pionniers. Vous savez, on était dans les débuts de ces aéroplanes. Dès qu'un avion circulait dans le ciel, dans les années 1905, 1910, tout le monde levait les yeux, on regardait ça. C'était un vrai miracle. Fonck va être le plus fort de tous. Je vous l'ai dit, il est l'as des as. Alors, dans ses débuts de pilote, il fait partie de l'escadrille C-47, escadrille de reconnaissance installée dans les Vosges, près du domicile de ses parents. Il vole sur un bimoteur Caudron, un biplace, un G4. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais enfin, disons les choses, ce sont des engins dont les performances sont relativement médiocres. Un moteur qui dépasse difficilement les 130 chevaux, ça veut dire qu'en vitesse horizontale, on est à 125 km/h, vous voyez, et on plafonne à 2500 mètres, au mieux. Bref, la guerre vient de commencer, c'est pas le moment de faire la fine bouche, de toute façon, on vole sur ce qu'on trouve. Dès le début, René Fonck va au contact de l'ennemi. C'est un homme d'une agressivité extraordinaire. Alors, dans un premier temps, il est là pour faire des reconnaissances photographiques, des réglages de tirs d'artillerie. C'est à cela que sert d'abord cette nouvelle arme, cette nouvelle aviation. Et les occasions de les échauffourées, si je puis dire, avec d'autres aviateurs sont nombreuses. Et Fonck, très vite, va être grisé par le combat aérien, parce qu'on va appeler la chasse. D'une attaque contre un aviatique le 23 août 1915, il raconte, je cite, « Le lieutenant Ramazzotti, que j'avais emmené comme observateur, abattit à bout portant le passager ennemi. Ce fut pour moi une véritable ivresse et un réconfort singulier de voir l'appareil plonger brusquement dans ses lignes. J'apercevais la victime agitée et encore des derniers soubresauts de l'agonie, tandis que le pilote, sentant passer la mort, accélérait sa descente. » Ah oui, c'est pas un tendre, je vous avais prévenu. La carrière de Fonck dans la chasse va commencer relativement tard. Il n'abat son premier avion qu'en août 1916 et le deuxième en mars 1917. Vous voyez qu'on est déjà très avancé dans le conflit à ce moment-là. Avril 1917, le voilà muté dans le groupe de chasse du commandant Brocard. Alors là, ceux qui connaissent savent que nous allons parler de l'escadrille des cigognes, mythique escadrille des cigognes. Et dans cette unité déjà extraordinaire, Fonck devient très vite le meilleur chasseur. Il fera de cette cigogne son emblème, bien entendu. René Fonck accède officiellement au statut d'as le 13 mai 1917. Il a descendu au ravin de Nogent-la-Vesse le Fokker du sous-lieutenant Tsivits. C'est son cinquième succès officiel. Donc, il devient as. Il accède à la notoriété. Notoriété qui va croître à mesure que s'accumulent ses victoires. Car s'il a commencé un peu tard, il va se rattraper, si je puis dire. Le rythme s'accélère à l'été 17. Jacques Mortane, dans la guerre aérienne illustrée, témoigne, nous dit, l'adjudant-chef Fonck, l'un de nos plus récents champions, il écrit ça à l'automne 17, l'un de nos plus récents champions est aussi l'un de ceux qui vont le plus vite en besogne. Pendant le mois d'août, il a abattu 4 avions, atteignant ainsi le total de 10 victoires. On n'est pas au bout de toutes ces victoires. La principale qualité de Fonck, la rapidité. Il descend ses adversaires sans leur laisser le temps de seulement réagir. Et très tôt, il va devoir faire avec l'image d'un tueur. Un véritable tueur appliqué contre ses victimes. Fonck n'est pas d'emblée l'incarnation du succès militaire, mais on peut dire que dès la fin de l'année 1917, il l'est devenu. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, grâce à vous, nous revenons sur le parcours de René Fonck, l'as des as des alliés pendant la Première Guerre mondiale, un nom relativement oublié. Alors avant de poursuivre sur son histoire, j'ai quand même une question aujourd'hui à vous poser, oui, qui ressemble, vous allez le voir, à un retour aux origines, puisque vous avez dit que René Fonck était l'as des as. Qu'est-ce que ça signifie être un as, en fait? Eh ben, un as, c'est un statut, si vous voulez, qui s'obtient à la cinquième victoire en combat aérien. Pourquoi 5? Ben parce que très peu de pilotes, tout simplement, arrivent à de tels chiffres. On dit, mais ça c'est une tradition, que c'est parce qu'il y a 5 signes sur la carte à jouer sur un as. Oui, vous savez, bon, je ne mettrai pas ma main au feu sur cette affaire. Toujours est-il que il faut avoir 5 victoires, et je précise 5 victoires homologuées, c'est-à-dire qui ont été officiellement enregistré. Fonck va achever la guerre avec 75 victoires homologuées. Donc il est incontestablement le premier des as interalliés, hein, l'as des as. Et il est seulement devancé dans le camp adverse par Manfred von Richthofen, le fameux baron rouge, qui lui compte 80 victoires homologuées. Mais si l'on compte toutes les victoires que Fonck revendiquait, car lui disait qu'il en avait une bonne cinquantaine de plus, alors là il écrase complètement Richthofen. Damien Acoulon précise dans son ouvrage, je le cite, « Les as constituent une petite aristocratie au sein des pilotes de chasse français ne représentant que 4%, 4% de l'effectif total, mais comptant à leur actif 50% des victoires officiellement accréditées. » Il y a une journée particulière dans la vie de Fonck, c'est celle du 9 mai 1918. Vous voyez que nous sommes quasiment en train de célébrer le centenaire de cette journée, hein, quelques jours près. Ce jour-là, ce 9 mai 1918, Fonck va établir un record absolument imbattu, mais que lui-même égalera d'ailleurs. Alors, c'est vers 15h ce jour-là que la brume commence à se dissiper sur le terrain de l'aviation. 45 minutes après, ça y est, le voilà, il est en l'air. Il décolle en compagnie du capitaine Battle et du lieutenant Fontaine. Et à peine sur les lignes adverses, ils aperçoivent une patrouille allemande composée d'un appareil de reconnaissance protégé par deux biplaces de combat. Fonck donne le signal d'attaque. Les trois avions sont disloqués en 45 secondes. Ils seront retrouvés aux abords des tranchées françaises à moins de 400 mètres l'un de l'autre. Et peu après, Fonck va se poser. Il fait compléter sa provision d'essence. On recharge des munitions et allons-y. Vers 17h30, nouveau décollage, cette fois avec le sergent Bruyère et le lieutenant Touzelier. À 18h20, on aperçoit un avion allemand qui est en train d'évoluer au-dessus de Montdidier. C'est un biplace. Allez, on règle le tir. Il y a quand même des nuées à ce moment-là. On peut parler même d'un champ de brume qui sépare les deux appareils. Qu'importe, Fonck va accélérer, il fonce, il débouche à 30 mètres de l'ennemi. Et allez, il tire et il touche. Et voilà qu'apparaissent 4 Fokkers et puis 5 Albatros ennemis. Fonck est dans une situation difficile là parce qu'il a perdu de vue ses coéquipiers, ce qui fait qu'il se retrouve seul contre 9 avions. Ça ferait une jolie séquence de film, ça, vous imaginez ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de s'échapper, de fuir ou d'attaquer? Et évidemment que Fonck attaque et coup sur coup, il va détruire deux albatros. Avant de rompre le combat à 20h, son sextuple succès est homologué. Vous imaginez, au bar des Cigognes ce soir-là, quand il est arrivé, on l'a littéralement porté en triomphe, bien entendu. Eh bien, le 14 août 1918, il va accomplir un nouvel exploit en descendant de nouveau 3 avions ennemis en 10 secondes. Et le 28 septembre, il recommence. Et là, cette fois, c'est le sextuple exploit de mai qui est réédité, donc ce 28 septembre. Deux sextuplés, synthèse de l'exploit militaire moderne, nous dit Damien Acoulon. Au palmarès, en cette fin d'année 18, Fonck compte donc 75 victoires officielles, il dépasse Ningesser, 45 victoires, et Madon, 41 victoires. Les qualités de Fonck, je l'ai dit, sont d'abord des qualités de précision, de rapidité, mais il a d'autres qualités. On sait qu'il volait couramment à 6000 mètres d'altitude sans que ses bronches, sans que son appareil respiratoire ne soit affecté. Il fallait pouvoir le faire, ça. Et on n'a pas de cabine pressurisée à l'époque. Hein. À plus de 8 km, dit-on, il était capable d'apercevoir un adversaire en vol, ce qui est quasiment impensable. J'ai une vue perçante et je sais m'en servir, celui qui voyait comme un aigle. Et puis, je vous l'ai dit, c'est un tireur, capable de lancer une pièce de monnaie de la main gauche et de dégainer de la main droite, d'appuyer sur la détente et de ne jamais manquer la pièce en question. Dans le tir aérien, une rafale de 5 ou 6 cartouches au maximum lui suffisait, dit-on, pour abattre un adversaire. C'est comme ça qu'il arrivait à faire ses extraordinaires cartons, si vous me passez l'expression. Damien Coulon l'écrit dans son ouvrage, je le cite, « Son assurance est sa force, le meurtre de l'ennemi, sa spécialité et sa gloire. » Il y a chez Fonck, disons-le, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles sa popularité n'est pas si grande, c'est qu'il n'est pas très sympathique au fond. C'est un meurtrier, cet homme-là. Il a un appétit de vaincre et, disons-le, une certaine jubilation à tuer. Il va signer la préface de la guerre des nus racontée par ses morts. Et voilà ce qu'il dit. J'ai la joie, oui, la joie meurtrière d'avoir tué 67 équipages, et j'avoue que mon sommeil n'est jamais agité de cauchemar. Et plus je tuerai de ces assassins, plus je serai heureux, plus je serai convaincu d'avoir travaillé non seulement pour la France, mais pour l'humanité. Ah, la haine du Boche est allée très loin à cette époque, vous le savez. Fonck est sûr de lui-même, c'est ainsi, et à une époque où l'aviation militaire fascine un public qui n'est pas encore habitué à ce type d'exploit, vous imaginez la place prépondérante que ça lui donne dans la presse, bien entendu. As des as du côté allié, nous dit Damien Coulon. René Fonck a bénéficié, comme d'autres chasseurs, de cette présence de l'aviation dans les médias, se faisant l'incarnation du succès aéronautique français. En effet, le pilote de chasse, héros facilement identifiable et dont les mérites sont aisément quantifiables par le décompte des victimes, dispose d'une image utile à la propagande de guerre et contribue principalement à maintenir le moral des civils à l'arrière via la presse. Invaincu et a priori invincible, René Fonck se fait ainsi un parfait exemple pour la victoire. Et oui, on utilise les exploits de ces chevaliers des temps modernes, de ces chevaliers du ciel, pour essayer de regonfler le moral parfois en berne de la population. Fonck va devenir un héros de la presse, disons-le. Il devient le vengeur de Guynemer. Et ça n'est pas un petit titre, s'il vous plaît. On dit qu'il aurait descendu pour son 14e succès officiel l'avion du fameux Oberleutnant Kurt Wiesmann, qui était justement le pilote se targuant d'avoir abattu Guynemer, même si un certain nombre de doutes subsistent sur cet aspect. Les études les plus récentes sur le sujet ont permis d'établir que Guynemer a été descendu probablement par la 56e escadrille du Royal Flying Corps et non pas par l'assassin de Guynemer a été tué par les Anglais, disons, et non pas par Fonck. Peu importe. Fonck a ce titre de noblesse parmi tous ses titres. Il est perçu comme le chevalier vengeur. Et vous l'aurez compris, il n'est jamais en retrait lorsqu'il s'agit de compter ses exploits, ce qui évidemment fait des jaloux dans son entourage. Il y en a un qui dira un jour à Jean Lafray, un équipier de Fonck, « En somme, vous servez d'appât, vous attirez l'adversaire et il n'a plus qu'à les descendre ». C'est très réducteur. Lafray lui-même dira d'ailleurs « Une sortie sur les lignes en compagnie de notre race donnait dès le départ un sentiment de sécurité. De plus, nous étions certains du spectacle final, la chute d'un adversaire en flammes ou désemparé. » Ils étaient fiers, les aviateurs évidemment, de voler aux côtés de Fonck, qui se moquait complètement des jaloux d'ailleurs. Lui pensait à ses victoires, il pensait à la France, il pensait au combat contre l'Allemagne qu'il avait bien l'intention de mettre à genoux. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors vous nous emmenez cet après-midi sur Europe 1, Franck, au cœur de l'histoire de René Fonck, l'as des as de cette Première Guerre mondiale, un aviateur à la renommée assez impressionnante, en tout cas pendant cette guerre. Et il n'a qu'un seul objectif, René Fonck, c'est gagner face aux Allemands. Et oui, et il fait partie de tout. Vous savez, c'était vraiment l'obsession de tous les combattants. Mmh. Mais c'est vrai que lorsque vous avez la chance, si je puis dire, de mener un combat singulier, facile à distinguer dans cette guerre tellement confuse, évidemment, vous vous sentez pousser des ailes si vous me passez l'image. Le 11 novembre 1918, évidemment, c'est l'armistice. Mmh. Les Alliés s'installent sur tous les terrains abandonnés par les Allemands. Il faut vous dire que Fonck n'est pas démobilisé immédiatement. Il va rester attaché aux cigognes et il va faire partie de ces escadrilles qui sont installées en territoire conquis, les escadrilles d'occupation. Vous savez ce qu'il va en advenir de tout cela. En avril 1919, lorsqu'il n'est plus utile, si je puis dire, Fonck est versé à la section technique de l'aéronautique. Il est affecté à l'escadrille des essais en vol, à Villacoublay. Alors, quel est son rôle là? Il s'agit de préparer de grands raids, de monter des records aériens, de hauteur, de durée, etc. Tout ça lui plaît, bien entendu, mais il n'y a plus l'exaltation meurtrière, le terme est de lui, qu'il pouvait éprouver, bien sûr, dans les grands combats de chasse de la guerre. On va lui attribuer notamment la ligne Paris-Madrid en Nieuport. C'est quelqu'un qui continue les exploits d'une façon générale, il est poussé par ça, bien sûr. Grand défilé de la victoire, bien sûr, le 14 juillet 1919, juste après la signature à Versailles du fameux traité de paix sur lequel il y aurait tant à dire. Grand défilé de la victoire, donc, sous l'Arc de Triomphe, sur les Champs-Élysées, toutes les grandes unités sont là. Et pour l'aviation, seulement un porte-drapeau. Il incarne à lui tout seul l'aviation alliée, vous imaginez. Je n'ai même pas besoin de vous René dire. René Fonck, bien le sûr. Porte-drapeau, c'est René Fonck. Il est là, il a été là à la conclusion des accords de paix. Fonck est démobilisé et il est mis en congé illimité à compter du 18 octobre 1919. Alors, c'est un homme en son temps extrêmement célèbre, bien sûr. Il va en profiter de cela pour jouer un rôle, pour avoir une influence. Il fait son entrée en politique. Il est élu député des Vosges en 1919. Il va être donc député de 1919 à 1924. Mais, disons-le, sa notoriété, son extraordinaire passé d'as des as ne le met pas à l'abri d'un certain nombre de revers électoraux. On constate dans l'opinion un effritement progressif de la popularité de Fonck à une époque où, ne l'oublions pas, on avait une forme d'aversion pour ce qu'avait pu être la Première Guerre mondiale et peut-être que Fonck représentait un peu trop, d'une certaine manière, aux yeux de certains, un peu trop le combattant jusqu'au boutiste. En 1921, il n'en est pas moins élu président de la Ligue aéronautique de France. Il succède là au défunt général Bayou. Et c'est en 1926, là j'avance à grands pas, qu'il va tenter sa traversée de l'Atlantique en collaboration avec Igor Sikorski, une tentative très bien montée, très préparée, etc., mais qui échoue. Ai-je besoin de vous rappeler que l'avion de Fonck s'écrase au décollage? C'est une véritable catastrophe. Ça va tuer deux membres de l'expédition. Déjà un échec sur une opération comme celle-là, c'est un problème. Mais c'est en l'occurrence un échec qui va coûter la vie à deux aviateurs. Et avant même que Fonck, pour essayer de balayer ce mauvais souvenir, n'ait eu le temps de tenter une nouvelle traversée, vous savez que dans l'autre sens, un jeune Américain va lui souffler l'exploit. C'est Lindbergh, bien entendu, qui empoche le prix Lorteig, hein, le prix de 25 000 dollars. Est-ce qu'on peut dire que pour Fonck, le vent a tourné? Oui, d'une certaine manière. En tout cas, il est en train de tourner. Bonjour Damien Coulon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La suite de la vie de René Fonck est un peu difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va aller de rebuffade en échec. Il va devenir l'un des fidèles du maréchal Pétain. Il va prendre un rôle, il va trouver un rôle dans l'entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler. On va venir sur tout cela tout à l'heure. Avant, je vous propose de revenir quand même sur l'exploit, parce que on a l'air de dire comme ça, oh, 127 victoires, dont 75 homologuées. Bon, très bien, on passe là-dessus. C'est complètement ahurissant quand on y pense. Hein. Il y a énormément de pilotes de guerre, énormément de chasseurs qui auraient bien aimé pouvoir en dire autant. Même la moitié leur aurait suffi. Oui, effectivement, quand on pense à la difficulté dans cette arme en formation d'atteindre un adversaire et donc de le voir reconnu comme abattu, effectivement, ça donne le vertige. Comment venait l'homologation? Comment se faisait cette homologation? Qu'est-ce qui faisait qu'une victoire était officielle, en fait? Alors, il faut donc avoir vu l'avion tomber et qu'il ait été reconnu par d'autres, des témoins voilà, oculaires, comme étant tombé, si possible. Donc, si vous dans êtes les lignes, en combat purement singulier et loin de toute habitation, qu'il n'y a pas de témoin, la victoire ne peut pas être homologuée, en fait. Hein. Voilà, effectivement. Si vous êtes en territoire ennemi à plus de 20 km derrière les lignes, il y a très peu de chances qu'il soit homologué. Donc, lui, vous y croyez à ces 127 victoires Bon, ça a sûrement été un peu édulcoré et aidé par la propagande de guerre, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un grand champion et cette compétition pour les As, elle permet de positiver à l'extrême la guerre. Il y a une phrase que j'ai lue tout à l'heure, qui est un extrait d'une préface écrite par René Fonck, qui, j'en suis sûr, a fait grincer des dents à pas mal de nos auditeurs. Ça paraît un peu fou quand même, cette espèce de rage de tuer dont il s'enorgueillit. C'est-à-dire que non seulement il est un tueur, mais en plus il en est fier. Ça nous paraît étrange, nous, à notre époque, 100 ans plus tard. Oui, effectivement, mais il faut la replacer dans le contexte de la Première Guerre mondiale et de ce bourrage de crâne qui a évidemment conditionné les mentalités. Et c'est au final ce qu'on attend de lui, René Fonck, ce champion tueur d'Allemands, qu'il revendique également ce meurtre. Ces meurtres pour... Enfin, ces meurtres entre guillemets, puisqu'on est en période de guerre, et ce sont bien des ennemis déclarés. On est en contexte de guerre, bien sûr, mais effectivement, hein, il y a ce besoin de mobiliser à la fois les civils et les soldats, et... quoi de mieux que ce jeune champion pour le faire? Alors ce champion, on aurait pu imaginer qu'il deviendrait une sorte d'idole absolue de la foule. Eh bien non, René Fonck va non seulement tomber dans un relatif oubli assez vite, mais il va même subir une sorte de désaffection. D'où vient ce fait, je trouve que c'est très passionnant, un héros de guerre qui n'est pas un héros populaire. Pourquoi ? Nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'as des as de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, René Fonck. Nous apprenons à découvrir cet homme ou à le redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà. Grâce à votre invité, Franck, vous receviez Damien Accoulon. Il est doctorant agrégé d'histoire, spécialiste des as européens de la Grande Guerre. Oui, et pour tout vous dire, il a 25 ans. Je lui disais avant que ne commence cette émission que lorsque j'ai fait ma première conférence sur Fonck, il n'était même pas né. Vous imaginez ça ? Comment est-ce que si jeune, on s'intéresse à un personnage comme Fonck ? Tout simplement quand il est né près de là où vous avez grandi. Et voilà. Et que donc vous passez par son village natal et qu'on s'énorgueillit d'avoir un as à Saulcy-sur-Meurthe. Ça évidemment pose beaucoup de questions aux jeunes historiens. Nous irons dans le village en question tout à l'heure à Saulcy-sur-Meurthe. Nous irons en compagnie de Lorena Martin, bien entendu, qui ne peut pas toujours nous emmener dans grands hôtels. Dans des châteaux 5 étoiles. Oui, sur l'équateur, évidemment. René Fonck aurait pu être un héros absolu. On imagine la gloire de Guynemer, par exemple. Sauf que, différence, Guynemer est mort en plein vol, pas Fonck. Lui, il a survécu. Effectivement. Et aussi, il faut dire qu'il arrive un peu plus tard que Guynemer, qui obtient sa popularité parmi les tout premiers plutôt, as. Oui, c'est plutôt, ça. Hein, voilà. Donc, ça fait déjà une grosse différence. Et le fait même que l'on attribue à Fonck ce titre de vengeur de Guynemer le place déjà en situation de dépendance par rapport à Guynemer. Et donc, déjà à la fin de la guerre, il est relativement moins populaire que Georges Guynemer. Oui, c'est assez étonnant, ça. Non seulement il est moins populaire, mais il va même subir des revers électoraux assez terrible pour son ego, si je puis dire, pour son orgueil. Effectivement, et pas qu'électoraux d'ailleurs. Parce oui, que d'ailleurs, oui. Dès 1921, les automobiles Fonck font faillite, qu'il avait lancé. Et effectivement, à partir de 1924, c'est une série d'échecs électoraux. Alors, il est pris en grippe par les communistes dans sa circonscription des Vosges. Et, on peut dire qu'il les aime pas. Voilà, c'est ça, effectivement. C'est une haine réciproque. Mm-hmm. Et plus globalement, emporté par cette vague du cartel en 24, il va enchaîner par la suite, à la faveur des scrutins, une série d'échecs en 1928, 32 à Paris. Donc là, véritablement, c'est on peut mesurer la baisse de popularité à travers ces résultats. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir à quel point on a fabriqué des héros à travers la presse de guerre et à quel point ces héros s'étiolent, si je puis dire, après, une fois la paix est revenue. Combien d'ouvrages ont été consacrés à René Fonck ? Il y en a eu quand même. Alors effectivement, c'est très récent. Donc on en a un dès 2004, un autre en 2007, un troisième qui le compare à Richthofen en 2011. Et donc le mien. Le vôtre est le quatrième. Et le quatrième. Mais c'est une bibliographie, c'est une historiographie récente, c'est-à-dire qu'il faut attendre le 21e siècle pour qu'on se penche sur le personnage. Il y a quand même une association à sa mémoire, il faut le dire. Effectivement, créée aussi pour les 50 ans de sa mort à Saulcy-sur-Meurthe, très active, et qui possède un grand fonds d'archives. Ça s'appelle Mémoire de René Fonck, l'association. Voilà, exactement. Et dont il faut dire qu'ils ne sont pas. Tout à fait dans la défense absolue d'une image idolâtrée, mais qu'ils acceptent aussi les versions, critique, etc. Voilà, exactement, les versants plus sombres du personnage. On va y venir dans un instant. Pour travailler sur Fonck, on dispose donc de tous ces fonds d'archives, on dispose de toutes les archives du service historique de la défense. Donc vous fréquentez les fonds de Vincennes, bien entendu, et notamment, et là j'insiste, à chaque fois que j'ai l'occasion de le caser, je le dis, vous pouvez utiliser les souvenirs des compagnons de Fonck qui ont été interviewés dans le courant des années 70 et 80, 1970-1980, par mes chers confrères du service historique de l'armée de l'air, et c'était le département d'histoire orale qui s'occupait de cela, c'est-à-dire que on interviewait les anciens pilotes, et Fonck revenait constamment. Ça, je me rappelle très bien. C'était presque une obsession pour eux. Oui, une comparaison permanente entre Guynemer et Fonck, résumé à deux styles. Guynemer, le vaillant chevalier des premiers temps, avec cette fougue et ce panache, et René Fonck, le froid tueur calculateur, qui effectivement préfère prendre par surprise, si possible dans le dos ou dans l'axe du soleil, pour assassiner sa victime. C'est le mot qui est employé. Est-ce qu'il n'y a pas, et ce n'est pas seulement le cas de Fonck, un certain nombre de héros de guerre ont été confrontés à ce problème, ce sont des gens relativement ordinaires a priori avant que ne commence la guerre, lui en l'occurrence il est mécanicien si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça, il est apprenti mécanicien avant la guerre. Et il devient un héros de guerre, donc un grand personnage, il a une belle légion d'honneur au revers de sa veste, etc. Mais il n'en est pas moins un mécanicien. Comment est-ce qu'on supporte ce décalage, si je puis dire, entre une carrière militaire brillantissime, mais courte, et une carrière civile plus modeste? Eh ben, on essaie d'y faire face et de poursuivre sa légende dans le temps. Et voilà. Ça a été son drame, à mon avis. C'est d'avoir couru après cette légende, tout l'entre-deux-guerres, pour passer de héros militaire à héros du temps de paix. Et pour moi, hein, véritablement, là où l'échec se manifeste le plus fortement, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'il rate sa traversée de l'Atlantique à New York, ça, c'est terrible, hein. Quand son avion s'écrase au Roosevelt Field, le 21 septembre 26. Que s'est-il passé? Pourquoi cet accident terrible? Il avait quand même une grande expérience de l'aviation. Une grande expérience, mais sur des avions beaucoup plus petits. Et c'est ce qui lui a souvent été reproché, c'est d'avoir été trop ambitieux. Il a fait le pari inverse de Lindbergh, en fait. Exactement, hein, de partir donc avec trois compagnons d'équipage, donc quatre personnes dans un grand avion tout en métal, un Sikorsky, pas tout en métal, mais avec des éléments en métal. Donc 11 tonnes à soulever, ce qui est énorme pour l'époque, hein, et en comparaison des SPAD que pilotait pendant la guerre René Fonck. Oui, qui était beaucoup plus léger, beaucoup plus mobile. Voilà, donc on change complètement de dimension. Et les préparatifs ont été assez laborieux, les conditions météo retardent plusieurs fois le départ. Il y avait une atmosphère de concurrence, puisqu'on savait que plusieurs concurrents voulaient absolument décrocher cette traversée de l'Atlantique. Exactement, c'est la course à l'Atlantique pour décrocher le prix Ortega. Il y a aussi un prix en argent à obtenir à la fin, 25 000 dollars, ce qui est énorme pour l'époque. Et avec cet emballement médiatique et cette course au prix Ortega, il décide de précipiter le départ, et c'est ce qui lui a été souvent reproché d'avoir bâclé le départ, même s'il est évidemment blanchi par la commission d'évaluation qui reconnaît que toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe bien, sauf que ça s'est mal passé. Ah oui, ça s'est mal passé et il y a eu des victimes, donc double malchance si je puis dire. Voilà, hein, le radiotélégraphiste Clavier et le navigateur Islamov qui tous les deux périssent dans les flammes, tandis que René Fonck et son copilote parviennent à s'extraire de la carlingue in extremis. Oui. Le fait que lui en plus ait survécu n'a sans doute pas aidé. Décidément, ça faisait beaucoup de poids à supporter. Ce n'est que le début, si je puis dire, parce que on va s'acheminer peu à peu vers la Seconde Guerre mondiale. Et autant René Fonck a été un héros de la Première Guerre mondiale, autant il ne peut pas du tout prétendre l'avoir été dans la Seconde Guerre mondiale. Nous y venons dans un instant. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors nous nous intéressons, nous, à l'As des As cet après-midi sur Europe 1, René Fonck. Grâce à votre invité, nous le découvrons, hein, Damien Coulon. Il est doctorant, agrégé d'histoire, spécialiste des As européens de la Grande Guerre. Il est l'auteur de René Fonck, As des As et pilote de la Grande Guerre, paru aux éditions Privas. Et vous êtes nombreux à réagir à cette émission. Il y a Romain qui vous pose une question, Franck, ainsi qu'à Damien Coulon. Sûrement plus à Damien Coulon qu'à moi, d'ailleurs. Est-ce que René Fonck, dans l'entourage du gouvernement Pétain, se serait montré coopératif quant à une participation française dans la bataille d'Angleterre contre les Anglais lors du second conflit mondial? Alors, nous allons y venir à ça, précisément. C'est-à-dire que c'est un peu la question qui se pose, évidemment, la question finale de l'affaire. Avant ça, je dirais qu'on y vient progressivement. Le héros de guerre connaît forcément le grand général de la guerre, celui que les foules acclament à l'époque, c'est-à-dire le général devenu maréchal Pétain. Quand se rencontrent-ils les deux? Ils se rencontrent certainement dès les années 20 et on a des correspondances qui datent des années 30 et notamment en 31-33, René Fonck prépare un plan de défense aérienne de Paris à la demande du maréchal Pétain. Donc le maréchal Pétain va essayer d'enrôler Fonck dans cette espèce de volonté d'effort de guerre, de réarmement, notamment aéronautique, qui a été la grande question de la fin des années 30. Oui, effectivement, et Fonck est très heureux d'y participer, puisque c'est un moment où il cherche à être à nouveau sur le devant de la scène, entre guillemets. Toujours cette recherche de statut, en quelque sorte. Voilà. On peut dire qu'il est devenu un peu le fer de lance de l'aéronautique française. On le met en avant lorsqu'il y a un salon, lorsqu'il y a des cérémonies officielles ou des choses comme ça. Alors, oui, effectivement, dès les années 20, puisqu'il était président de la Ligue aéronautique, qui était un cercle de promotion de l'aéronautique. Et à la fin des années 30, on voit un retour net sur le devant de la scène à mesure qu'on sent s'approcher, qu'un conflit devient de plus en plus probable. Effectivement, il va de nouveau servir de modèle à une nouvelle génération qui n'a pas forcément connu le feu. Et ce qu'il faut dire, c'est que sa popularité est moyenne en France, mais sa respectabilité, son image sont très grands en Allemagne. Car aux yeux notamment des anciens pilotes allemands, il est considéré comme le plus grand pilote allié. Donc on le respecte beaucoup. Je pense à quelqu'un comme un très grand pilote allemand qui va devenir un sinistre personnage du régime nazi, c'est le maréchal Göring, qui va apprécier et aimer Fonck, il faut le dire. Effectivement, il se rencontre à Berlin en 28, quand René Fonck rend visite également à Ernst Udet, qui est un autre as de la Grande Guerre. Auquel on avait consacré une émission il y a 2 ans. Effectivement, un personnage fascinant. Et effectivement... En rencontrant ces personnages, ils échangent, ils nouent des liens d'amitié, particulièrement avec Ernst Udet, mais également avec Hermann Göring. Et on a un profond respect qui tient aussi à l'imaginaire de l'aviation de chasse qui est en formation depuis la Première Guerre mondiale, mais qui reste et qui s'ancre plus fermement dans l'entre-deux-guerres. Cet imaginaire chevaleresque des chevaliers du ciel, vous l'avez bien dit. Qui avait permis de positiver la guerre, de donner une autre image que celle dans les tranchées, et qui est entretenu comme un élément identitaire de l'armée de l'air en France, mais aussi en Allemagne, au moment où les Allemands vont chercher à remettre en avant, et particulièrement les nazis, à remettre en avant l'idée d'une armée qui n'a pas été défaite. Et quoi de mieux pour montrer cette succession de victoires que les as allemands. La mémoire de Manfred von Richthofen est exacerbée à cette époque. Est-ce qu'on se sert de l'image de Fonck au moment de la campagne de France, en mai-juin 1940, lorsque tous les avions français sont en vol, justement, en train d'essayer de contrer l'offensive allemande ? Alors oui, effectivement, on le retrouve par exemple en une du Miroir, qui est donc un journal de guerre illustré, en couverture, où il s'adresse au jeune pilote anonyme, qui lui aussi peut, comme ce petit mécanicien vosgien en 1915... Devenir un héros. Devenir un pilote, et donc un héros, et lui aussi servir très bien son pays. Oui, donc on utilise son image d'une certaine manière. D'une guerre à l'autre. Mais il y en a un qui va utiliser ses relations, c'est le maréchal Pétain. C'est-à-dire que lui a des relations assez privilégiées avec l'ancien héros de Verdun, et par ailleurs, il a des relations directes avec Göring, donc avec l'entourage d'Hitler. Quand on a besoin d'un rapprochement entre Pétain et Hitler, lorsqu'il s'agit pour le chef du tout nouvel État français de rencontrer le chancelier du Reich, évidemment, on pense à René Fonck. Entre autres, oui, puisque... Il n'est pas le seul, bien sûr. Le maréchal Pétain entretenait une cour autour de lui et multipliait les canaux de diffusion. Mais effectivement, René Fonck fait partie de ce conseil privé non officiel du maréchal Pétain et va notamment servir de messager à une grande occasion pour passer un message à Hermann Göring que le maréchal Pétain aimerait rencontrer ses homologues allemands et... René Fonck va également s'en targuer par la suite en tant qu'instigateur de l'entrevue de Montoire, s'attribuant un rôle démesuré. Hitler est en train de rentrer d'Espagne où il a rencontré Franco. Il va s'arrêter à Montoire pour voir Pétain. Exactement. Oui. Et donc René Fonck dira être à l'initiative de cette entrevue pour éviter que Hitler n'envahisse l'Afrique du Nord en s'entendant avec Franco, ce qui est peu crédible au vu des faits. Oui, surtout quand on sait la nature de l'entretien entre Hitler et Franco qui avait été pour le moins désagréable. Exactement. Donc, une défense plus ou moins bien tenue après la guerre qui va lui porter de grands préjudices. Mais effectivement, il fait partie de ces nombreux personnages impliqués. Mais donc, il sert un peu d'intermédiaire entre la France occupée et l'Allemagne, quoi. Il y a cette dimension-là. Voilà, alors de messager plus que... De messager. Oui, voilà, c'est ça. Il passe des notes. Alors effectivement, il conseille le maréchal Pétain, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'il se dit. Est-ce qu'il a une place officielle dans l'État français, dans le régime de Vichy ? Il est conseiller national, qui donc est... entre l'officiel et le non-officiel, puisque c'est une liste qui est publiée, mais sans nécessairement le consentement de certains de ses membres. Bon, René Fonck est consentant pour sa part, et le Conseil national ne va jamais siéger. Donc, ça veut dire que de l'autre côté de la Manche, et surtout de l'autre côté de l'Atlantique, ça va le désigner très vite comme une sorte d'ennemi public, en fait. Ce qui est un paradoxe pour un ancien héros de guerre. Hein. Tout à fait. Bah, comme le maréchal Pétain, au final, qui, lui aussi, hein, est un toute proportion gardée, c'est un peu le même parcours, d'une certaine façon. Voilà, oui, toute proportion gardée. Mais effectivement, hein, on retrouve, et ce ne sont pas les seuls, hein, beaucoup de ces héros ou grandes figures de la Première Guerre mondiale qui se retrouvent aux affaires dans la Seconde et qui vont... là aussi, hein, contribuer à prendre les décisions qui ne s'imposaient pas forcément. Mais il fait partie de la blacklist, de la blacklist de Life. Hein. Voilà, il est désigné en 42 parmi ces Français à arrêter ou à tuer, et dont font partie des gens comme René Fonck, effectivement, Sacha Guitry, mais aussi Otto Abetz. Mais oui, il faut dire que cette blacklist avait été établie par des journalistes et d'une manière complètement fantaisiste. Mais enfin, il n'empêche que ça jette une ombre singulière sur la figure de René Fonck, bien entendu. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, à la Libération, il va devoir répondre de ses engagements. Il y a une donc il est emprisonné effectivement à la Libération. Arrêté en septembre 44. Voilà. Il va rester en prison pendant plusieurs mois. Mais il va y avoir aussi une instruction pour déterminer sa responsabilité dans Vichy, et il n'y aura pas de procès finalement, il est relaxé puisque les charges sont jugées insuffisantes. Oui, donc mais il faut bien le souligner ça. C'est-à-dire que l'image a beaucoup pâti, mais on ne peut pas lui imputer d'actes particuliers. En tout cas, on n'a aucune preuve, d'aucune sorte. Voilà, c'est ça. D'autant qu'il se revendique d'un rôle particulièrement actif contre Laval, et ce que lui reconnaissent la plupart des témoins. Alors, il y a quand même la question que posait tout à l'heure l'auditeur, Romain. Est-ce qu'il a effectivement souhaité organiser la défaite de l'aviation de la Royal Air Force, de l'aviation alliée? Alors, c'est quelque chose qui lui est beaucoup reproché après la Seconde Guerre mondiale, effectivement. Mais bon, au regard des sources, je n'en ai trouvé aucune trace. Et aux archives nationales, à l'inverse, on trouve des témoignages selon lesquels Armand Pinsard aurait proposé cette même chose. Mais donc, ce qui est cette rumeur, hein, entre guillemets, qui est validée par quand même le grand historien de la Seconde Guerre mondiale, qui est Paxton. L'un des grands historiens, celui qui a effectivement renouvelé la vision qu'on avait de l'état de Vichy, oui. Voilà. Qui donc reprend et relaie cet élément, sans citer de source. Donc, quand on va aux archives nationales, on n'en trouve pas trace non plus. Mais j'aimerais beaucoup faire un jour le mystère, lever un jour le voile. Il est devenu quand même très triste et très aigri après tout cela. Il est mort jeune d'ailleurs, Fonck. Hein. Il meurt d'une rupture d'anévrisme. Voilà, en 1953, son domicile parisien. Donc, il a 59 ans. Effectivement, hein, la période entre 45 et 53, c'est une période dans laquelle on n'entend presque plus parler de lui. Quand c'est le cas, c'est pour parler un petit peu de la Première Guerre mondiale, mais c'est pas vraiment ce qui est au corps du sujet à cette époque. Et soulignons qu'aucune des promotions de l'École de l'air ne porte son nom, ce qui quand même est une forme de désaveu, qu'on le veuille ou non. Pour l'instant, en tout cas. Oui, pour l'instant, peut-être que ça changera dans le futur. On verra. Merci beaucoup, Damien Acoulon. Je rappelle le titre de votre ouvrage aux éditions Privas, René Fonck, as des as et pilote de la Grande Guerre. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et nous restons avec René Fonck, nous allons sur ses pas dans les Vosges avec Lorena Martin. Bonjour Lorena. Franck, oui, on va à Saulcy-sur-Meurthe, son village natal dont vous avez parlé. On est au pied du massif de Camberg à la porte de Saint-Dié-des-Vosges. C'est un petit bourg qui est traversé par la Meurthe entre plus de 300 et 700 mètres d'altitude qui s'étend sur plus de 1000 hectares vallonnés et boisés avec une forêt. Et à chacune des deux entrées du village, le long de la route départementale, on trouve un panneau illustré donc qui rappelle que Saulcy-sur-Meurthe est le pays natal de René Fonck. Il y a le SPAD 13, de René Fonck, exactement. Bien entendu. Il y a aussi son cimetière. Oui. Il est enterré donc dans le cimetière du village. René Fonck est mort à Paris, vous venez de le dire, aux 3 rues du Cirque à son domicile. Il y a donc d'ailleurs une plaque, aux Champs-Élysées. Il y a d'ailleurs une plaque qui a été inaugurée en 1962 par le général Végan et l'Association nationale des As. Mais pour revenir à sa tombe, chaque année, l'association dont vous avez aussi parlé, Mémoire de René Fonck, vient la fleurir le 11 novembre. C'est un rituel depuis de nombreuses années. Et l'association a été fondée en 2003 au moment du 50e anniversaire de la disparition de René Fonck et elle propose régulièrement des expositions et des événements liés à l'As des As. On a l'aérodrome où il a... Il y a l'aérodrome de Saint-Dié-Rémonex en périphérie de Saint-Dié-des-Vosges et en 2009 il a pris le nom de aérodrome René Fonck à l'occasion du 50e anniversaire de cet aéroclub et du centenaire de l'aviation. Et il y a même une stèle de marbre à son effigie qui a été inaugurée à l'initiative de l'association Mémoire de René Fonck. Et à l'entrée de l'aérodrome, il y a cet avion SPAD 13 qui est une réplique de l'appareil que René Fonck a piloté à l'échelle grandeur nature, à l'échelle 1, par 80 élèves en formation chaudronnerie et structure métallique du lycée Georges Beaumont de Saint-Dié-des-Vosges. Et si on veut voir une exposition sur René Fonck, où est-ce qu'il faut aller ? Alors la seule exposition permanente en fait se trouve au musée Pierre Noël, donc à Saint-Dié-des-Vosges. Et Pierre Noël, c'était le maire de la ville, donc dans les années 60-70. Et c'est lui qui avait souhaité créer ce musée qui est assez étonnant parce que très hétéroclite, où se côtoient l'archéologie gréco-romaine, celte, les beaux-arts, les arts décoratifs. Et puis l'histoire militaire avec notamment cette vitrine consacrée à René Fonck. On y aperçoit des trophées de ses activités ou de son itinéraire. Par exemple, une croix de Malte noire d'un avion allemand abattu, des parures de bureaux, des tableaux peints de scènes de ses combats aériens et la mitrailleuse du pilote allemand Wissermann qui a touché Georges Guynemer et que Fonck aurait abattu. Pas. Et c'est de là, ou pas, et c'est de là voilà, que vient son surnom de vengeur de Guynemer. Le vengeur de Guynemer, l'homme des cigognes. Merci beaucoup Lorena Martin. Ça vous fait du bien d'aller un peu dans les Vosges de temps en temps, ça nous change de paysage. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Décidément, c'est une émission très sportive. Ah oui. Après l'aviation, on va passer... Mais nous sommes très sportifs. Oui, vous surtout, mais moi un peu aussi. Oui, si vous voulez. Alors, on va parler de sport automobile maintenant, puisque c'est un retour aux origines qui concerne le fameux drapeau à damier lors des courses automobiles. Surtout le drapeau qu'on voit à la fin. Il vient d'où, ce drapeau ? Alors, il y a l'explication qu'on raconte généralement, mais qui est probablement fausse, mais elle est belle quand même. On dit qu'au cours d'une des premières épreuves, une des premières éditions des 24 heures du Mans, on est dans les années 20, vous savez, le commissaire de piste est là pour agiter son drapeau en fin de course, sauf qu'il était en train de jouer aux échecs. Ça dure longtemps, hein, les 24 heures du Mans, comme leur nom l'indique. Et au dernier moment, il est pris au dépourvu, donc il a attrapé l'échiquier et l'a agité. Ouais, c'est fantaisiste. Oui, c'est fantaisiste. Je vous assure que ça n'a pas dû être comme ça. D'autant moins que l'on sait que des drapeaux à damier existaient déjà dans les courses cyclistes, hein, dans les courses de vélo, à partir des années 1860, dès le Second Empire, en fait. Donc ce drapeau à damier, il est passé gentiment des courses cyclistes aux courses automobiles, tout simplement. On l'a utilisé pour la première fois dans le Tour de France automobile en 1899. Pourquoi drapeau à damier ? Ben, parce qu'il y a déjà un drapeau jaune pour indiquer un danger sur le circuit, un drapeau vert qui signifie la fin du danger, un drapeau rouge, ça c'est l'interruption de la course, hein, les pilotes sont censés s'arrêter, drapeau blanc pour manifester qu'un véhicule lent ou quelque chose de gênant se trouve sur la piste, et donc pour drapeau bleu aussi pour dire écartez-vous car un véhicule plus rapide essaie de vous dépasser. Donc ben finalement on utilise le seul drapeau qui n'est pas de couleur, ce qui le rend somme toute très visible, ce drapeau à damier noir et blanc, facilement reconnaissable. Voilà. Vous êtes un as de la route. Hein, oui, voyez, un as des courses automobiles, monsieur bien connu, vous qui savez tout. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.